15h11 minutes, toujours au Radioton de CKRL, le 89.1, notre co-porte-parole, Paul-André Cassidy, est passé faire un tour. Salut, Paul-André. Salut. Ben, écoute, tes impressions, là, jusqu'à maintenant sur l'ambiance du Radioton, tu l'as déjà vécu en tant qu'artiste qui est là, mais en tant que porte-parole, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Ben, en fait, ben, c'est. Moi, je trouve ça beau d'arriver puis de voir justement les gens-là, de voir les artistes qui viennent participer, qui sont généreux de leur temps, de leur prestation. Je suis super contente d'avoir pu voir, entendu l'entrevue là, d'Émile Procoutier, parce qu'en plus, je l'ai vu hier en spectacle. En plus, ben oui! Oui, fait que j'étais comme... C'était comme c'est la fête. C'est vraiment ça, l'ambiance est super belle ici, la table à l'accueil aussi, avec les gens qui sont là pour les tout ce que les t-shirts à vendre, les disques, les livres, tout ça, ça vaut vraiment la peine que les gens passent voir ce qui se passe ici, parce que l'ambiance est super belle. Et pour l'André, est-ce que tu connais Philippe Braque? Je sais pas, hein? Je l'ai vu, je me souviens très bien, la première fois à Saint-Ambroise, au festival, pendant que ma fille chantait là aussi. Ouais. Et donc, je t'ai vu sur scène, tu faisais « On est si bien dans ma tête », je me souviens encore de cette chanson-là. Et j'ai même fait partie du jury de la Socan qui a donné le prix Socan à Petite-Vallée pour que t'aurais pas pu nous prendre à deux. Fait que je connais un petit peu. Puis ma fille a chanté cette chanson-là d'ailleurs aussi quand elle était à la maîtrise, il y a un certain temps, la maîtrise des petits chanteurs de Québec. Dans un petit spectacle de fin d'année, elle avait chanté « T'aurais pas pu nous prendre à deux ». Ouais. Fait que oui, donc je connais on un petit peu. On s'était vu à Tadoussac, ma sœur. Ouais, oui, j'avais fait entendre un petit extrait ben oui, de sur ça. Ouais. Merci pour le prix. 4 ans en retard, mais merci. Ben, je ne sais pas si c'est là, mais je faisais partie de ça. Fait que oui, on se connaît un petit peu. Oui. Mais Philippe, est-ce que ça te surprend que déjà les gens reprennent tes chansons, par exemple, dans un travail? Il y a un groupe de Québec aussi, Velvet Black, qui reprend Christelle en spectacle. Okay. Est-ce que tu savais pas ça? Non. Non, mais je l'apprends. Mais je savais pour Lou, là, mais. Oui, ben oui, c'est quand même fucké de constater ça. C'est inspirant, par contre, ça donne une certaine drive, sincèrement, de voir que c'est pas juste lancé dans les airs puis que ça retombe à terre, tu sais. Ouais. Ça retombe à quelque part. Fait que oui, c'est surprenant, mais c'est inspirant, pis c'est vraiment c'est challengeant aussi, c'est ça pousse à aller plus loin puis à se redépasser, tu sais. Ouais. Et toi, quand t'as commencé, quelles sont les chansons que tu reprenais? C'est pas vrai, il y en avait. Moi, j'étais un gros fan de medley. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. mais je faisais beaucoup de medley, vraiment beaucoup. Des affaires qui partaient de que ça allait de gauche à droite, de tout bord, de côté, puis qu'il y avait pas vraiment de lien, là. Comme les tunes, finalement. Ouais, c'était pas mal ça que je faisais. Sinon, je faisais non, c'était pas bon. C'est pas grave, t'es passé là, j'ai arrêté là. C'est ça. Ben, des affaires un peu. Des cowboys fringants. C'est la première chose que j'ai faite sur un stage. C'était des tunes des cowboys fringants. Tu reprenais ça. Je sais pas si c'était mauvais, les cowboys fringants. C'est juste que la version qu'on en faisait était vraiment pas nécessaire. Ça a été. J'ai pas écouté beaucoup de musique dans ma vie, malheureusement. Mais, fait que j'ai pas tant fait de cover que ça. C'est pas vrai, si t'en écoutais de la musique, non? Ben, j'en écoutais plein, mais j'en écoutais beaucoup, mais pas plein, tu sais. J'en écoutais beaucoup, mais les 10 mêmes affaires depuis 15 ans. Tout le temps les mêmes. OK. Puis, j'en fais pas une fierté, là, mais c'est la triste vérité, malheureusement. Ouais. J'ai pas cette volonté-là de découverte où, tu sais, je vais pas me renseigner sur ce qu'il fait. C'est tout le temps des choses qui me happent. Quand, mettons, t'es en festival, puis là, je me ramasse devant un spectacle que j'ai pas le choix d'écouter. Je fais, voyons, c'est bien bon. Mais c'est fait que j'ai pas écouté ça avant, tu sais. Parce que t'as rien écouté avant, Philippe. Mais, fait que c'est ça. Je me souviens plus de la question, excusez, je viens d'arriver. C'est un petit gorgé d'eau, OK? Et toi, pour l'André, avec quoi tu as commencé comme chanson que tu interprétais? Ouais? Première chanson sur scène, c'est J'entends d'Aragon et Jean Ferrat. Mais a cappella, c'est pendant que j'étais au conservatoire d'art dramatique, on faisait un récital de poésie. Puis j'arrivais du fond de la scène, puis j'ai fait ça. Y a-t-il des chansons que tu faisais genre à tes tout débuts puis qui t'ont suivi pendant très longtemps que tu fais encore aujourd'hui? Celle-là, ça m'arrive encore de la faire. Okay. Ça m'arrive encore de la faire, pas souvent, là, mais celle-là, ça a été... Puis je continue de la faire à cappella. Ouais. Avec rien du tout. Ouais. Mais c'est une des rares. C'est des autres que j'ai fait au début, là, en général. Les Amis de Monsieur, que je fais encore des fois, qui étaient sur mon tout premier disque, Fraxon. Mais là, sinon, ça a changé, là. Aussi parce que je suis allée vers plus de création, fait que... Ouais. Mais les chansons a cappella, c'est que t'en as une aussi, toi, Philippe, tu vas nous la faire plus tard? d'ailleurs. D'accord. Oui, oui, oui, oui. Je l'apprends. T'as pas le choix. Oui, let's go. Mais qu'est-ce que ça fait quand on chante, mais de pas avoir les musiciens? Parce que les deux, vous êtes accompagnés, vous êtes habitués d'être accompagnés aussi. Et là, c'est le moment où il n'y a que vous. Philippe, entre autres, toi, tu claques des doigts, Paul-André, quand t'es... C'était rien, non, là. Rien. Même pas un tapement de pied. Non. Des fois, je vais être avec une deuxième voix, mais des fois, juste rien. Mais qu'est-ce que ça fait en tant qu'interprète? Est-ce qu'on sent qu'on a plus de pression ou est-ce que faut se garder le rythme nous-mêmes? Là, on n'a rien pour s'appuyer. Moi, j'aime le silence. Fait que c'est ça. Fait que j'aime. Ouais. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'aime parce qu'on a le temps des silences. Ouais. On a le temps de ce qui se dit dans le silence, de ce qui se passe. Là. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve qui est fort puis que je trouve beau. Mais, fait que ça s'habite. Moi, je le vois pas comme un manque ou comme une pression supplémentaire. Je le vois comme une autre façon. Là. C'est comme si on dialogue avec autre chose, on fait de la musique avec autre chose. Ouais. Mm. Et toi, Philippe, quand tu as composé Bonne Journée, pourquoi tu t'es dit il n'y a pas d'instrument là-dessus? Ben en fait, tu sais, je pense qu'à chaque fois que tu rajoutes un instrument, c'est quelque chose qui vient dire quelque chose. C'est pas tout le temps juste une petite traque en arrière pour supporter ce qui se passe. Fait que j'étais en train de l'écrire, puis j'avais la mélodie vocale, puis je trouvais qu'il manquait rien d'autre. Puis c'était surtout que c'était inspiré aussi de la chanson gospel, tu sais, c'est très très. C'est, ça coûte rien, là, des doigts, là. Ouais, ça coûte de quoi, mais je veux dire, normal, ceux-là qu'on a à nous, ça coûte à rien. Puis, fait que c'est ça, c'est comme, c'est universel, c'est facile, ça demande, tout le monde peut le jouer, tout le monde peut le chanter, là, tu sais. Fait que, on a tous cet instrument-là, pour la plupart. Mais bref. Fait que, ouais, c'était ça, c'était le fait que ça soit accessible comme chant, que la chanson soit accessible, que le texte, ça rentre aux oreilles, puis ça soit juste ça, tu sais. Ouais. Mais Philippe, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe. Oui. Peut-être pas tout le monde qui te connaît. Je propose qu'on entende une de tes chansons qui se retrouve sur un de tes albums. Pour Paul-André Cassidy, merci beaucoup d'avoir fait un petit segment avec nous. On te retrouve demain, en tout cas à 18h. Exactement. Je vais chanter une chanson avec Lou, justement, aussi. Oui. Oui. Donc, avec Vincent Gagnon, piano. Voilà. Et on va être en compagnie d'Agnès Maltais aussi à la fermeture. Exactement. Alors, un beau moment à passer. Merci beaucoup, Paul-André. Ça fait plaisir. Philippe, tu restes là. Avec plaisir. On va entendre Né pour être sauvage et on se retrouve tout de suite après et on commence officiellement cette entrevue. Parfait. Né pour être sauvage. Pour être sauvage, un lit de feuilles, une douce piqûre, un rêve, une sarbacane. Mais j'invoque dame nature pour qu'elle ait laissé les flots d'un cabane. C'est confus, c'est fou, c'est. C'est une cage. Pour être sauvage. Pour être sauvage. Il paraît qu'il y a quelqu'un à quelque part. Il veut mon poil de cul dans son cou. Il serait prêt à porter le parfum de la mort juste pour se sentir plus doux. C'est stupide, cupide, c'est lâche. Ça doit être lâche. Pour être sauvage. Avant que je parte avant ma date, c'est trop facile, c'est plate. Ah, ça fait sourire le plaisir. J'aime mieux avoir la chienne quand les hyènes s'en viennent. Pour être sauvage. Cette année pour être sauvage, de Philippe Braque est avec nous. Hey, salut Philippe! Salut Tania, comment vas-tu? Ben ça va bien toi? Oui, ça va très bien. J'ai profité de la pause pour sortir des vieilles photos de toi au secondaire. Ben oui. Ben oui. Et t'as l'air d'avoir 6 ans. Ouais. Alors que t'en as 14. Ouais, c'est pas drôle là. Non? C'est, ben oui. Donc les gens qui sont ici pourront regarder les photos et comprendront pourquoi j'ai fait un saut quand j'ai vu que tu mesurais 6 pieds, ouais, et que t'avais de la barbe. J'ai finalement réussi à faire pousser de la barbe. C'est le fun, hein? Ouais. Oui, belle époque, une très belle époque. Il ouais. Peu de souvenirs, mais je me souviens que j'ai eu du fun. Ouais. Ben, Philippe, j'ai ressorti aussi ton premier EP qui s'appelle Philippe Braque, tout simplement, que tu m'avais envoyé avec un post-it qui disait « Quin, ma belle Tania ». Ah ben, vois-tu? J'ai vraiment cherché longtemps, c'était qui ça, Philippe Braque? Ouais. Excuse-moi, j'aurais dû te spécifier mon tournant de carrière. C'était pas des si pire, hein? Des choses que j'avais pas su. Mais tu l'avais réalisé, je pense, par Pilou. Ouais. Ça, qui a fait l'album, le premier album, ouais. Après ça, ouais. Puis, ben... bon, j'étais pas très original, j'ai mis 4 tunes qui se sont ramassées sur l'album, finalement. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est beau, j'aime bien. Quand tu te replonges dans cette. Puis ça, il paraît que c'est pas toi, hein, là-dessus? Non, c'est mon père. Ouais. Ouais. Mon père, quand il avait mon âge à ce moment-là, à 21 ans. Fier, mais là, c'est ça, il y avait un fusil, je trouvais ça un petit peu trop intense. Il était à la chasse, puis. J'y ai mis un sabre. Je trouvais ça un petit peu plus imagé, moins ben c'est pas moins violent, mais je veux dire c'est comme moins proche de ce qu'on connaît, tu sais. Fait que c'était plus dans les airs, ouais. Et ouais. Quand tu regardes ce que tu faisais à l'époque et le plus récent album que tu viens de sortir, comment tu trouves que ta musique a évolué? J'aurais pu me forcer dans les dernières années. Non mais non pour vrai. Ben non mais je suis. C'est une bonne question. J'ai fait rarement cet exercice-là de prendre du recul sur ce que je fais. Tout va très vite en fait. Je peux pas te dire qu'est-ce que j'ai acquis au fil du temps en termes de maturité musicale, mais j'ai l'impression que j'ai fait du chemin. Sinon, en performance scénique, ça j'ai quand même vu du chemin que j'ai pu constater. J'ai acquis certaines choses. En fait, le fait de perdre mes bras, ben, j'ai encore mes bras, mais je veux dire de pas pouvoir jouer de la guitare. Ouais. Ça m'a obligé à faire de quoi de mon corps pendant que je chante. Ça a été un processus très laborieux, mais aujourd'hui, ça m'a apporté le fait que ben, je suis capable de danser de façon incarnée, je dirais. Tout croche, mais c'est incarné pareil. Ouais. Ouais. Mais comment t'as développé, parce que la danse c'est un peu inné, comment t'as développé ton mouvement de scène? Ben, je pense qu'on a tout, ça en dedans de nous, là. C'est juste que c'est l'exercice de le laisser sortir sans barrière, sans rien, tu sais, sans que ça soit, sans se censurer soi-même, sans se regarder. Je pense que c'est important de pas se regarder quand tu danses, là. Sinon, ça sera pas trop long qu'on va arrêter. Mais fait que c'est ça, si je suis pas convaincu que je danse bien, mais je danse, je m'exprime par la danse. Je pensais jamais dire ça, mais ouais, il y a quelque chose dans ma manière de danser, je pense, qui dit des affaires que je suis pas capable de dire avec la musique. Puis j'ai pris goût à ça, ce qui fait que tu sais là, je peux recommencer à jouer de la guitare, mais je le fais juste sur 4-5 chansons. Ça crée du relief dans le show, puis ça me permet de danser à qui mieux pendant le spectacle. Mais explique-nous pourquoi tu peux plus jouer de guitare. C'est une épicondylite, c'est comme une genre de tendinite, si tu veux. Y a ça, c'est arrivé en même temps qu'un tunnel carpien bien bouché. Tout un doublé? Ouais, tout en même temps. J'ai pas regardé la passe là, pendant 3-4 ans. Puis à un moment donné, je suis parti en voyage. Puis il y a juste moi qui pouvais chauffer. Puis je chauffais un 4x4 dans la nature. Puis c'était bien. Je fallait que je tienne le volant bien serré. Pendant 2 semaines de temps, 8 heures par jour. Puis quand je suis revenu, j'ai pris une journée de break. Puis ça a tout chié en même temps là, ce jour-là. T'as brisé des bras? Ouais, mon bras droit principalement. Mais c'est ça, ça a été un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que je suis pas très bon guitariste, fait que c'est bon de délayer puis de donner ça aux autres. Mais quand je prends la guitare, c'est parce que je veux le faire, puis j'ai du plaisir à le faire. Puis autrement, je m'amuse en m'exprimant par le canal qu'est mon corps. En plus. Ouais. Mais tu disais tout à l'heure, quand tu ajoutes un instrument, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Quand tu danses, il faut que ça ait quelque chose à dire aussi. Là, quand tu joues de la guitare, il faut qu'il y ait une signification. Ouais. Donc, malgré tout, malgré, disons, le personnage Philippe Braque, tout est extrêmement calculé dans ce que tu fais. Oui. Ben oui, oui. Puis tu sais, même les zones où je me laisse du jeu, c'est des zones qui sont très calculées. Je sais où est-ce que je vais improviser. T'sais. Fait que déjà là, je suis à l'aise parce que je sais que là, je baigne dans le néant, si tu veux. Puis je vais peut-être dire de quoi de drôle, je vais peut-être dire de quoi de très lourd aussi. Tu sais, ça arrive des fois. Là. C'est ce qui fait la saveur du spectacle aussi. Puis oui. Les gens, ils te le pardonnent quand ils sentent que t'es pas en train de dire la même chose à toutes les villes. T'sais. Fait qu'à un moment donné, t'essayes des affaires, puis le monde fait comme « Ah, ben ça, tu sais... » C'était vraiment pas bon. Puis, d'après sont comme moi, contents il d'avoir dit vécu. Ouais, ils sont contents de voir que t'es vulnérable aussi. Fait que c'est le fun. On se laisse aller. Puis quand ça marche bien puis que ça punch, c'est encore plus apprécié. T'sais. Mais ouais. Ça te dérange pas de dire des choses très lourdes, justement, sur scène? Oui, ça me dérange, mais je veux dire, je les vois pas venir. Fait que il faut que je vive avec. Là, t'sais. À un moment donné, là, je pense que ça fait partie de la game. Ouais, je prends un malin plaisir à faire ça. Tu le sais, j'aime beaucoup improviser. Puisque Tania, c'est important de le dire à nos auditeurs et aux gens qui sont déplacés. Salut tout le monde. Salut. Ça fut ma première coach d'improvisation théâtrale. Voilà. Et si je portais une cravate. Oui, ben plein de belles photos. Oui, c'est vrai. Ouais. Très professionnel à l'époque. C'est pas vrai. Mais oui, fait que c'est ça. J'ai toujours gardé ce goût-là d'être sur une scène puis de se lancer dans le vide. Là. Ouais. Mais Philippe, on doit déjà s'arrêter pour une pause. Mais avant, j'ai un quiz. Tu sais qu'on est en Radioton, donc gros événement de financement. On veut 42 000 $ et il y a plein de manières de donner. Alors, le quiz, c'est comment Philippe Braque donnerait au Radioton. Ouais. Donc, ça, c'est une manière de faire filer cheap, puis genre pour que je donne pour vrai en bout de ligne. Là. Non, c'est une manière. Je vais le faire. C'est une manière de plugger les manières. Oui, OK, excuse-moi, donner. Parfait. Mais voyons, Tania, comment qu'on peut faire ça, donner de l'argent? On a des nouveaux T-shirts de CKRL. On a une table de marchandises. Oui. On a un lot, 95 lots d'encan, où on a Amassan, le masseur, qui fait des massages sur chaise de 10 $ pour 10 minutes au profit de CKRL. Es-tu ici? Oui, il est ici. OK, bien sûr, je vais l'en prendre. C'est déjà testé. C'est certain. Oui. Ça, c'est certain. Il a fait-tu des pieds? Je me suis pété le pied hier. Je prendrais ça à Amassan. Moi, je vais prendre ça, puis je vais prendre aussi un gilet. Parfait. Donc, les deux suggestions, vous savez pas. Ah oui, il y a aussi possibilité de prendre une bière à contribution volontaire. Ben, ça, c'est sûr que je peux contribuer en buvant de la bière. Bon, pitcher ça sur le fût. Oui, parfait. Oui, OK, cool. Ben, c'est bon, trois suggestions. Je vais faire ces trois choses-là. Voilà, donc si vous demandiez comment donner à CKRL les suggestions de Philippe Braque, tu restes avec nous, on se retrouve de l'autre côté de la pause. Avec plaisir. Philippe Braque est toujours avec nous au Radioton de CKRL. Objectif de 42 000 $ Yeah! Oh, il a tourné, sais-tu, j'ai regardé comme si on avait un thermomètre. sais-tu, on est rendu à combien? On est rendu à 13 000. Quelqu'un va aller voir. Il va falloir s'activer d'abord. Il va falloir que ça se craque un peu tout le monde, là. Donnez, s'il vous plaît. Merci. Ça me fait plaisir. Merci de faire la promotion comme ça. Et oui. Je veux qu'on parle d'argent ensemble. Ouais. Parce que toi, tu produis ta musique. Donc, tes albums, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, tiens, voici l'argent, mais en contrepartie, je vais regarder ce que tu fais. Ouais. Et je reviens avec le contrôle. Donc, tu as un contrôle sur tout. Et ouais. Est-ce que, justement, le budget, ce qu'on entend souvent, est-ce que tu t'arrêtes à ça ou tu te donnes à fond quand tu fais un album puis on verra après la facture? Ouais, c'est ça, c'est plus ça. On met ça sur Visa. C'est très, très irréfléchi, mes affaires. Puis c'est la raison pour laquelle je produis, justement, pour que jamais on regarde de quoi en fonction du budget. Tu sais, je me suis dit, les seuls compromis qu'on va faire, c'est avec nous-mêmes. T'sais, on va accepter d'aller là parce qu'on veut aller là ou on va s'accepter qu'on va pas là pour les mêmes raisons. Fait que c'est ça un peu le but de produire, c'est de se dire, je veux pas savoir comment ça coûte. T'sais. Je vais t'envoyer un chèque, écris le chiffre que tu veux dessus, puis après ça, je vais savoir si on va retravailler ensemble. Mais mais sinon, j'aime ça laisser ça dans les airs comme ça, puis jamais me poser la question. T'sais, c'est comme parce que je comprends que quand tu deals avec une maison de disques, eux, ils ont aucune idée du retour sur l'investissement nécessairement. Fait que ils peuvent être plus frileux ou plus sécuritaires dans leur choix. Puis c'est ça que je trouve le fun de produire, c'est qu'on essaie des affaires. Il y a 43 musiciens. Puis pendant qu'on traquait avec l'orchestre, j'étais bien relax avec ma bière, j'avais mon petit fauteuil roulant, ben chill, puis j'avais un animal empaillé à côté, puis je lui disais, hey, la gang, c'est pas bon, là. On mettra rien de ça sur l'album, puis c'est pas plus grave que ça, c'est moi qui paye, là, tu sais. Fait que juste ça, ça faisait que le monde essayait plus d'affaires, tu sais. Il y avait comme pas de. Tu sais, il y a une fébrilité sans avoir de stress, t'sais. Puis ça, c'est incroyablement savoureux quand t'es dans un processus créatif, là. Fait que, c'est la raison pour laquelle je trouvais ça vraiment important de produire mes affaires, puis j'ai pris goût. C'est sûr et certain que je vais produire tout ce que je fais jusqu'à ce que je puisse plus le faire. ouais, jusqu'à ce que je dois faire des radiotons pour mes albums. Donc, mais on n'est pas rendu là. Ouais, c'est ça. Donnez, je vais faire un massage. Ouais. Mais 10 minutes au profit de... 10 minutes au profit de mon prochain album. Mais c'est ça, ouais. Fait que, c'est ça le trip. C'est d'avoir une idée puis d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de la faire. Tu sais. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, t'as quand même un bon rythme de production d'albums. Ouais. Ça chôme pas trop. Est-ce que tu penses que le prochain va sortir aussi dans un espace-temps assez rapproché? Ouais. Où la visa est encore pleine non, des 43 musiciens? Ben, c'est ça, là. Je vais me prendre une troisième carte de crédit, puis c'est pas plus grave que ça. Mais oui, c'est ça. Non, je pensais que ça allait être vraiment long, mais je commence à avoir drôlement des idées, là. Mais tu sais, je sais où ça s'en va. Je connais la direction de l'album, le visuel, puis un peu le message que principal de l'album. Il manque juste les chansons, là. C'est tout. Juste ça. Mais, détail. Ouais, il manque juste des tunes. Mais sinon, je vais faire d'autres choses aussi. J'ai un projet d'émission de télé pour enfants. J'ai une couple de projets que je vais peut-être mettre à terme avant un prochain album, mais le prochain album ne saurait tarder. C'est important de juste faire, en fait. Faire des choses. Ouais, plus que de commenter sur les médias sociaux. Des fois, je me suis rendu compte que je faisais ça en me disant que ça servait à de quoi. Finalement, je me suis rendu compte que de faire, ça passe bien plus ton message. Puis c'est définitivement plus efficace, plus proactif. Fait que... Tu parlais de message d'album. Qu'est-ce que tu veux véhiculer sur le prochain? Je vais pas trop en parler de ça, Tania. Mais on explore l'imaginaire. Ah. Voilà, c'est dit. L'imaginaire qui est peut-être un petit peu pas assez, dans mon cas, puis dans plusieurs cas, je pense, mais de pas assez travailler ou explorer. OK. Ouais. Ou peut-être trop contrôler ou limiter. Ouais. Mais sur l'album précédent, est-ce que tu en avais un message? Est-ce que tu t'es dit, je vais essayer de parler d'une chose? Non, mais tu sais, je me suis rendu compte que la plupart des chansons venaient de la même genre de période, même un an, tu sais. Fait que indubitablement, il y a des thèmes qui reviennent, puis il y a une espèce de message qui se dégage de tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'était pas un message très nécessairement... porteur d'espoir, on va dire, tandis que, tu sais, je suis beaucoup plus dans une ouverture en ce moment, tu sais, je suis moins cynique que je ne l'ai jamais été, donc, j'affiche de plus en plus un sourire devant l'adversité. Yeah! Parce que c'est vrai que tes chansons, jusqu'à maintenant... C'est pas ça qui craint que la partie. Mais tu sais, on peut faire le party mettons pendant ton spectacle. Ouais, c'est ça. Tu viens voir le show, mais tu sais, si mettons tu veux que ça lève, tu mets pas l'album. Ouais. Mais je pense là, moi, en tout cas, je mettrai pas mon album à mon party. Fait que venez pas si vous voulez écouter mon album. Mais ouais, non, c'est ça. Mais le pire, c'est que je pense pas que le prochain album va être plus high que ça, mais ouais. Dans le texte, il va y avoir beaucoup plus, je pense, de d'ouverture, ouais, de lumière, oui, puis d'aller vers l'autre, puis de s'ouvrir à l'autre, puis de faire des compromis. Oh. Un peu d'empathie, beaucoup plus d'empathie dans le prochain album que j'ai pas de toune. En fait, je sais pas pourquoi qu'on en parle, mais ouais, on en parle vraiment beaucoup pour un album. Ouais, qui c'est ça, pas c'est encore. C'est vraiment ça. Puis c'est ça. Spectacle ce soir à Québec, c'est sold out. Ouais. Donc c'est plein. Ouais. On peut plus acheter de billets. Non. Ça, c'est terminé. Ouais. Jusqu'à maintenant, ta tournée, la réaction est très, très bonne. Est-ce que tu penses à ça quand tu composes des chansons? À comment tu vas les jouer sur scène? Est-ce que les gens vont l'aimer? Est-ce que je vais vendre des billets? Non. Non, jamais. C'est très... Le processus créatif, sincèrement, il est assez égoïste. Je crée par besoin parce que il faut que ça sorte, il faut que ça se fasse. Je le fais vraiment pour moi. Je le fais pour m'expliquer des affaires à moi-même, pour mieux me comprendre, en fait. Puis c'est bien rare que les gens, que l'auditeur, je vais l'impliquer dans le processus créatif. Il est pas là. Je fais fi de ça carrément. Puis c'est après là, que je fais comme, OK, c'est quoi le message qui sort de la toune? C'est quoi cette toune-là? Ça parle de quoi? Comment je peux aller rendre ça pour avoir un certain lien émotionnel avec la personne qui va l'écouter? Puis des fois, ça passe dans l'interprétation plutôt que dans le message lui-même. T'sais. Mais oui, c'est même si je parle de tourner vers l'autre, d'avoir de l'empathie, tout ça, ça se retrouve dans les textes, mais quand je crée, sincèrement, je le fais vraiment presque juste pour moi. Mais à quel moment tu te comprends dans la chanson? Est-ce que c'est en la relisant c'est ou en la généralement, l'écrivant? Quand je sors de studio chez Clayton, je fais « Ah! Ben, c'est ça qui s'est passé dans la dernière année, okay, je comprends bien des affaires. » Puis c'est le seul recul que j'ai sur mon stock, en fait. C'est une fois que c'est fait, que c'est enregistré. Ouais. Ouais. C'est ça me permet de parler de sujets que je parlerai jamais en entrevue aussi là, tu sais, il y a bien des tunes que tu sais, il y a bien des sujets en fait qu'il y a juste mes tunes qui vont t'en parler, tu sais. Puis Philippe Bouchard mettons en parlera jamais lui. Non, c'est ça. Tu sais, je me l'explique même pas moi-même des fois, fait que c'est un peu ça le processus là. Ouais. C'est comme une grosse thérapie là, finalement. Je parle de la création parce que rendu à la diffusion là, je ne pense presque juste aux gens qui vont l'écouter puis qui vont vivre le moment, tu sais. Mais sinon ouais, c'est ça, c'est assez égoïste jusqu'à maintenant de ce que j'ai vécu avec la création. Et tu des fois où quand tu as compris ce que tu voulais dire, tu t'es dit non, j'ai pas envie de dire ça devant des gens. Ouais, ben oui. Il y a tout le temps, à chaque album, il y a comme au moins 2-3 tonnes. J'ai comme ça sera jamais sur une scène. Ça, on fait pas ça. Ça, c'est beaucoup trop downer. Puis, tu sais, il manque pas de ça dans le show. Tu sais, fait que. Le premier album, il sert un peu à ça. Là. C'est comme les tunes qui grouvent un peu plus, ça lève. Puis, c'est un petit peu plus en surface. Là. Ben, ceux-là, il y en a plein que je mets encore parce que c'est des excellentes soupapes entre les tunes. Ouais. Puis, le show, il tire de tout bord, de tout côté. Fait que. Je trouve ça important d'avoir un genre de faune. Un peu bigarré dans les chansons, tu sais, d'avoir du relief dans le pacing. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais parlant de relief, ouais. T'es quelqu'un qui voyage beaucoup. Oh, oui, mais, j'aime le lien. Merci, oui. c'est mon métier. Yes. Mais t'es pas du genre à aller dans un tout inclus à Cuba? Je me suis dit qu'un jour j'allais le faire, mais tu sais, c'est un coup de tête. Ça, tu fais ça, c'est un coup de tête. Ouais. Mais sinon, non, c'est moins mon buzz, je pense. T'sais, je n'ai pas fait, mais de ce que mes amis m'ont dit, c'est pas ma prochaine destination. Ouais. C'est quoi ta prochaine? Est-ce que c'est. J'aimerais ça aller en Afrique depuis longtemps, vraiment, ce beau pays. mais sinon, Afrique ou Amérique du Sud, là, c'est certain. Sinon, Scandinavie aussi, n'importe où, là, je pense qu'on peut avoir du fun, peu importe, on se ramasse où, mais je suis très, très... L'Afrique m'appelle, puis ouais, l'Amérique hein. du Sud aussi. Fait que d'après moi, ça va jouer dans ces eaux-là. Faudra que tu choisisses, parce que c'est pas... Ouais, non, sinon, il y a des bonnes vieilles pirogues, hein. C'est fait, hein, ça prend quoi, 7-8 jours, puis deux bouteilles d'eau, on est rendu. Mais c'est traversé. Ouais, Afrique, Amérique du Sud, ça me tente vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le voyage? Parce qu'il revient assez régulièrement. Il y a entre autres celui au Pakistan. Il y avait une chanson, là, ça raconte pas ton voyage, mais je sais que quand tu parles de ton début de carrière, il y a aussi, t'as fait le tour de l'Europe. Donc, depuis longtemps, ça te suit, là, cette envie d'aller ailleurs. Ouais. Tu sais, plusieurs choses. Personnellement, c'est un genre de etch-a-sketch, là, tu sais, que tu brasses, là, quand tu fais un voyage, là, c'est cool. On est ailleurs, je reviens, j'ai pas l'impression, je me souviens plus de ce que j'ai fait avant, tu sais, puis ça fait du bien, tu sais, on set les bases. Puis sinon, c'est ma matière à réflexion beaucoup. Je lis pas de livres, mon envie, j'ai jamais lu de livres, j'ai trop de déficit d'attention, j'ai pas de, je vois jamais au théâtre, j'écoute pas de musique. Ça va bien mal, comme ton je disais affaire. Tantôt, c'est pas une fierté, mais genre c'est quand même le portrait, tu sais. Puis fait que moi ma matière, mes livres, c'est les gens que je rencontre en voyage. Puis des fois c'est des livres qui sont incroyablement riches parce qu'ils ont pas, tu sais, je sais pas, mais quand t'es un créateur, t'as tout le temps cette image-là, tu te regardes un peu, tu te projettes, t'sais, tandis que les gens, ils s'en calissent de ça. Quand t'es en voyage, ils te parlent, c'est eux leur livre. C'est un livre qui est beaucoup plus complet, qui est moins censuré, qui est moins travaillé, moins self-conscious. Moi, c'est ça. Puis c'est ça. Moi, c'est là que je vais chercher ma matière à réflexion. Puis en voyage, c'est toujours super stimulant parce que c'est des cultures, des gens, des us et coutumes complètement différentes des nôtres. Fait que là, je reviens, puis tu relativises, tu regardes nos affaires à nous, puis je sais pas, ça me fait du bien. Puis généralement, je suis rendu, ça fait 3 fois que je fais ça, mais tu sais, on finit une tournée, après ça, je pars 2 mois en voyage, puis quand je reviens, je pars 3 semaines tout seul dans le bois, pour écrire, décanter mon voyage, puis éventuellement travailler le stock pour un prochain album. T'sais. Puis à date, c'est une mécanique de travail que je trouve drôlement efficace pour les 3 derniers albums. Hein. Où t'es allé dans les 3? En Europe, le premier, c'est là que j'ai composé toutes les tunes. Le deuxième, c'était Islande, Japon. Encore pas à côté. Non, mais on avait une petite pirogue. Okay. C'est fait vite. Mais... Puis Pakistan pour le dernier. Ouais. Et quand tu reviens, ça te donne un nouveau souffle créatif? Ouais. Créatif. De vie. De vie aussi. Ouais. Ben oui, tu sais, c'est pour ça que j'arrête pas de travailler aussi. Là. C'est pour engourdir le mal de vivre, là, ouais. Carrément. Tu sais, sinon, j'arrête 2 minutes puis je pogne le vertige. Je fais qu'est-ce que je crée ici? Tu sais? Puis, fait que c'est pour ça que je fonce puis j'arrête jamais de travailler puis de faire. C'est super important. Puis, tandis que quand je suis en voyage, c'est une des rares fois que je prends un break, j'arrête de travailler, mais qu'il y a encore de quoi qui se passe, ça avance. Tu sais. Ouais. Ouais. Donc, Philippe Braque, pas de voyage, pas de chanson. C'est tough. C'est une pirogue quelque part pareil là. mais je vais finir par faire d'autres choses qui est peut-être moins artistique, mais je vais finir par faire quand même des choses. Ouais. Mais Philippe, merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir. T'es en spectacle ce soir, c'est complet, vous aviez juste acheté des billets avant. Ben, regarde, vous repasserez la prochaine fois. Eh oui, tu vas en sûrement revenir. Attendant, tu prenez le 30$ que vous auriez investi sur moi puis investis-le sur le Radioton. Ah! Avec je sais pas moi, un massage, un t-shirt. Oui, ressors-moi la feuille pour le fun. Ouais. Excuse-moi, il y a plein de vieilles photos de toi qui traînent par-dessus. C'est ça. Ouais, il y a les dons en ligne aussi, hein, qu'on peut faire au ckrl.qc.ca. Ça se fait par PayPal, là, tout le monde a ça. Hein. Mm. Ou sinon au 418-640-2575. Je répète, le 418-640-2575. Mais t'es excellent, on va t'engager pour les prochaines années. Avec grand plaisir. Philippe Braque, merci beaucoup d'être passé. Un plaisir, vraiment. On va entendre ta chanson qui s'appelle Pakistan. Merci. Et on poursuit le Radioton tout de suite après Val Thomas qui est avec nous. Donne un grand nom. 9000 kilomètres, c'est loin en tabarnak. Quand j't'arrivais là-bas, j'te voyais sur le tarmac.